Caroline. Alors vous êtes prêts? On est prêts. Ah ouais, on reçoit un magicien aujourd'hui. Eric Antoine. Regarde ce qu'on va te sortir du chapeau. Guillaume, formule magique. On y va. Hocus pocus, le Mondus Liberationus, abracadabra. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le sujet 1. Les politiques sont-ils écolos? C'est un super sujet. Mais ouais, mais c'est la magie, ça. On a un bouquin pour débutants. Très bien ce bouquin. Génial. Super. Et ça tombe bien que tu sois enthousiaste parce qu'on voudrait que tu testes notre deuxième tour. Et oui, deuxième tour, c'est la femme coupée en deux. Voilà. Ah super, bah tiens, prenez Nathalie, tiens. Non, moi je peux pas, je suis bipolaire. Ah voilà, pas de chance. On ne coupe pas en deux une femme bipolaire. Ah bon. Ah bah règle c'est numéro 1 du métier de magicien. Très connu. Ah ouais, mais alors, allez, dans Charline. La boîte, Charline. Ah, moi? Oui. Allez, je vous fais confiance. Voilà, on ferme la boîte. Les cadenas, la scie. Non mais elle est beaucoup trop grande. Excuse-nous là, on coupe pas une tige de bambou. Le Bob vous remercie. Allez, on y va. Focus, focus, machin. Ça marche, elle est coupée en deux. Génial. Mais je suis en deux morceaux. Et oui, c'est super. Génial. Allez, on va fêter ça, je mets ma tournée de café. Non, c'est pas le problème, mais il faut me recoller maintenant. Ah, faut la recoller. Mais comment, moi je sais pas faire ça. Oui, ben on n'a pas lu la deuxième moitié du livre. Mais il n'y a pas dans le livre. Mais ne partez pas, vous n'allez pas me laisser comme ça. On va te ramener un expression du débat de ça. Mais revenez, mais les gars, mais vous pouvez pas me laisser comme ça. Ah mais si Eric Antoine n'y arrive pas à me recoller, moi mon week-end est foutu. Merde, deux jours à Deauville. Je vais demander une demi-pension. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous parlez fort pour une moitié. Pardon ? Vous parlez fort pour une moitié. Mais dites donc. C'est la meilleure moitié que vous avez gardée, c'est ma part. Mais qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi dire bonjour la France Inter. Allez-y. Laissez-moi dire bonjour à tous. Laissez-moi m'exprimer, monsieur Vizorek. Vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité par la fenêtre. Et voici les trois informations qui n'auront pas le temps d'ouvrir les bras d'ici 18h. Ramayad installe un poulailler dans son jardin. Laurent Fabius n'oublie pas d'éteindre la télé. La planète est donc bientôt sauvée, chers amis. Sachez-le, sans compter François Hollande qui fait le tour de l'Elysée chaque soir pour éteindre les lumières. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Jour. Nuit. La foire internationale d'art contemporain, la FIAC, encore un événement mondial organisé en France. Mais où sont les artistes français? Il faut oser, les gars, allez-y, installez, je sais pas moi, un vagin devant Buckingham, quoi. Pourquoi on vous voit pas? Ils m'ont dévoré, les artistes. Renversé. J'ai plus de défense. Mais ma ticket de métro, joliment plié, ça m'émeut. La dernière fois que vous étiez déguisé en super-héros, c'était à la fête de l'école, vous aviez 10 ans. Mais sachez qu'il existe au moins 30 000 personnes qui vont venir à Paris pour défiler dans les rues en costume de super-héros. Il existe un événement pour les accueillir. Merde, ça, c'est gueule de rat. Je les confonds toutes les deux, moi. Et je suis accompagnée de celui qui n'a pas besoin de se déguiser pour jouer les Casanova du Monoprix. C'était bien parti, ça c'est mal terminé. C'est un peu l'histoire de ma vie. Autour de la table, une belle équipe pour notre invité. À 17h20, je ne sais pas vous, mais moi et les auditeurs, nous étions un peu en manque d'actualisique. Parce que nous sommes passionnés d'actualité, mais aussi de musique. Et il n'y en a qu'un qui est capable de mélanger les effluves des deux pour en faire un parfum enivrant. C'est le fragonard de l'actualisique. C'est Thomas VDB. C'est moi, c'est vrai. Je vous demande même pas le sujet. Il y aura du jingle ? Il y aura du jingle. Bon, le reste, je peux vous dire que... régaler. À 17h30, lui, dans son travail, a beaucoup pris à Socrate. Le fait de faire parler les autres pour leur faire dire à peu près ce qu'ils pensent, tout en étant persuadé d'être plus malin qu'eux, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu à la foire d'automne qui ouvrait ses portes aujourd'hui et je n'ai rencontré que des commerçants obnubilés par les problèmes environnementaux. Après, bon, c'est des plaques d'acrylique, etc. Et ça, bon, ça n'existe pas. C'est de l'acrylique, quoi. Donc, c'est de la résine. Ouais, là, c'est un mauvais exemple, mais sinon, ils étaient tous écolos. Enfin, ils m'ont dit qu'ils étaient écolos. Et à 17h40, celle qui maîtrise les mots beaucoup mieux que les chiffres, puisqu'elle est capable d'avoir une théorie extrêmement pertinente sur la gestion du temps dans l'univers médiatique, tout en étant incapable de faire la différence entre une chronique de 3.15 et une chronique de 6.45. C'est Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Eh bien, d'urbanisme et de voyage. En 18 minutes. C'était la moyenne. Et à 17h55, celui qui mériterait de prendre sa place place dans le nouvel Astérix, car de nombreuses personnes se réjouiraient de le voir bâillonner après qu'il ait chanté. C'est Frédéric Fromix qui nous rejoindra à 17h56. Si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, intervenez hashtag annule tout, et puis sur Facebook aussi, devenez notre ami imaginaire. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous jouez votre premier spectacle intitulé « De la magie, de l'humour et du sexe » en 98. C'est l'année où Jean-Paul II est en visite historique à La Havane. C'était une réponse à la visite de Jean-Paul II à La Havane. Et vous savez qu'à la même année, Bill Clinton trouve un usage original au Havane. C'est la même année. Vous suivez des cours de théâtre en 2001, l'année où sont lancés l'iPod et la Star Academy. Et puis le grand public vous découvre dans l'émission « Incroyable talent » sur M6 en 2006, l'année où Zizou quitte la finale de la Coupe du Monde sur un coup de tête. Et donc vous êtes... Éric Antoine. Mais évidemment. C'est pas vrai, il est là. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et qu'est-ce qui nous le prouve d'ailleurs quand vous êtes vraiment Éric Antoine? Mais je ne sais pas, parce que je me pose toujours la question, mais qui suis-je? Et je suis toujours. Mais vous, qui êtes-vous? Avez-vous la réponse? Moi, je suis en deux morceaux et j'aimerais bien qu'on me recolle pour partir vous en êtes week-end. Donc schizophrène et sympathique, des deux côtés. C'est deux schizophrènes sympathiques, ça fait quatre personnes sympas. Éric Antoine, le magicien et humoriste, vous êtes les deux, vous avez les deux casquettes, magie avec beaucoup d'humour. Oui. On peut vous voir au Festival d'humour de Paris d'ailleurs jusqu'au 3 novembre. Et vous êtes aussi en tournée avec le spectacle Magique Delirium. Oui, si. C'est quoi le Festival d'humour? C'est le marathon. Ah, c'est le marathon. Je ne connaissais même pas le titre. Si, en effet, on va faire un délire avec tout un tas de copains. Donc certains sont autour de cette table. Factor, j'ai cru que vous n'étiez pas au courant. Il fallait vite y aller. Je vous avoue que mon agenda était un petit peu complet, mais on en a parlé il y a un instant. Je ne connaissais pas le titre de cet événement. Et en effet, je vous confirme que je suis en tournée dans tous les Zéniths de France, jusqu'au Zénith de Paris où je reviendrai au mois de décembre. Oui, le Magic Delirium Tour, en fait. Vous serez par exemple le 15 novembre à Metz ou le 18 novembre à Lille. Alex Vizorek, vous connaissez bien Éric Antoine? Moi, je le connais bien, mais est-ce que nos auditeurs connaissent bien Éric Antoine? J'ai rencontré Alex Vizorek dans la rue. Il m'a apostrophé il y a quelques années. En disant « Eh toi, le grand, prends mon flyer !» Je te jure que c'est vrai. C'était à Avignon? Non, même pas. C'est le seul mec qui fly à Paris. Voilà, mais vraiment, Avignon, c'est une tradition, mais Alex a essayé de lancer cette tradition dans les rues parisiennes. Mais avant tout, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Mais ça lui a réussi, puisque maintenant son spectacle a changé de salle. Et vous avez d'autres choses sur lui comme ça que... Oui, quelques dossiers. C'est l'interview de qui ici? Voilà. C'était à la sortie du spectacle de Gauthier Fourcade qui joue en ce moment à Paris, qui est super et que les auditeurs d'Inter connaissent bien. Alors allez, entre promo, entre humoriste, tout va bien. Pourquoi vous dire ça? Parce que vous, est-ce que les auditeurs vous connaissent bien? Vous êtes celui qui a déringardisé la magie depuis quelques années. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est comme ça qu'on vous présente. Non, moi je trouve que l'art magique n'est pas un ringard. Je trouve que ce sont les magiciens qui sont parfois poussiéreux et qui répandent leur poussière sur cet art magnifique. Alors comment on fait pour le dépoussiérer? Parce que le tour, il est sur le même, on coupe la femme en deux et puis on la recolle. Non, mais alors justement, on parle de ça tout à l'heure, vous parliez de ça avec beaucoup d'humour, toute la bande, mais c'est vrai que par exemple, pourquoi est-ce que ces pauvres femmes, on leur fait toujours subir des choses absolument atroces, on les transperce d'épées, on les coupe en deux. Et donc pour moi, toute l'écriture, c'était justement de renverser la situation. L'assistante que j'ai aujourd'hui, elle a créé une association qui s'appelle Assistante mais pas soumise, et elle prouve que c'est elle qui fait tout le travail, que les magiciens sont des ringards et des benets, et que ce sont les femmes qui maîtrisent le jeu. Et comme par hasard, c'est une femme qui est le chef ici. Donc moi, voilà. Ça permet aussi de raconter des histoires, parce qu'il y a un tour qui est à la fois plus un sketch qu'un tour sur les religions. Oui. Vous avez le Coran, la Bible, et vous effeuillez comme ça les pages, et il y a des choses qui se passent dans le livre, parce que vous êtes magicien, qu'il y a une magie. Donc ça permet aussi de raconter une histoire, et de l'humour et la magie se répondent dans vos spectacles. Pour moi, la magie était, pour la plupart des magiciens, considérée comme une fin. Et pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen à raconter. La magie nous parle du reste, puisqu'elle déforme la réalité. Donc elle nous permet d'avoir une autre vision. D'ailleurs, quand vous travaillez, ça m'intéresse évidemment bien, est-ce que c'est le tour qui guide ce que vous allez raconter, ou est-ce que vous allez raconter qui fait que vous inventez un tour ça, qui va avec? Vraiment, ça dépend. À chaque fois, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce numéro sur les religions, c'est vraiment parce que j'avais envie de raconter un truc sur les grands livres religieux que j'ai créé un tour autour des livres. Mais par exemple, il y a un autre numéro qui est... je rentre dans une baignoire nue, j'en sors sec et habillé, et c'est une BD qui m'a inspiré. J'ai vu une nana dont les pieds se retournaient, se gratter le nez. J'ai dit, mais ça, c'est un tour de magie, c'est un visuel. Donc, tout peut être une inspiration. Parfois, je pars du tour, parfois de la vanne, parfois de l'idée. Et vous n'avez pas réussi à faire disparaître le Coran, la Bible et la Torah, mais c'était bien tenté de pas. Éric Antoine, il est en tournée avec son spectacle Magique Delirium, le 20 novembre à Lorient ou le 26 décembre au Zénith de Paris. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir, sachez que le 10 novembre, il y a son DVD. Oui, qui sort. C'est mieux en live. Hein, c'est toujours mieux en live. On peut se toucher, on se sent, on se goûte. Les sens sont au rendez-vous. Le DVD, ça ne fait appel qu'à un seul sens, quel dommage. Et attention public, si vous y allez, il risque de venir parmi vous et vous faire des gros bisous pleins de transpiration. Exact. Allez. Ça, Manu Dibango sur France Inter en compagnie d'Éric Antoine. Le Garcimore du 21e siècle, comme nous dit un tweeton. Et autour de la table, eh bien Guillaume Meurice, eh bien Thomas VDB et le meilleur pour la fin, Isabelle Sorin. Et pour l'instant, et les actualités et l'information, eh oui, oui, oui, c'est important. Nous en sommes friands. Eh oui. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence avec les titres. Marine Le Pen a annulé des paroles et des actes, des PDA. Elle y retournera seulement si l'émission change d'acronyme, DLDA, des Le Pen et des autres. Laurent Wauquiez a donné une interview à Closer et c'est cohérent. Laurent Wauquiez dans Closer, c'est du ton sur ton. Il y aura aussi de la brève, malgré ma farouche opposition à l'information sous forme lapidaire. Et on commence avec David Pujadas. Oui, qui a eu des problèmes sentimentaux hier soir. Il est resté seul. Alors David, est-ce que tu as fini par pécho ? Deux fois dans la journée, Marine Le Pen a dit oui. Elle laisse une chaise vide. Elle avait encore confirmé à la mi-journée qu'elle serait là. Elle a changé d'avis. C'est triste et on pense fort à lui. On passe à Manuel Valls qui a été interviewé dans le cadre d'un débat organisé ce vendredi par le Club de l'économie du quotidien Le Monde. Oui, il a reconnu que l'augmentation de la fiscalité, je cite, a pesé lourdement sur l'activité économique. Ah, donc il a constaté que quand les gens payaient plus d'impôts, ils avaient moins d'argent pour consommer d'autres choses. Oui, et c'est... il a ajouté, si c'était à refaire, je ne le referais évidemment pas de la même façon. Donc il nous explique qu'il a fait du boulot de merde depuis 2 ans. Voilà, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, mais il explique, oui. Il y a eu une augmentation de la fiscalité oui. au cours de ces dernières années oui. qui a, je crois, oui. créé une forme de rupture entre les Français et l'impôt. Ah oui, ça on peut lui confirmer, il y a une forme de rupture entre les Français et l'impôt. Cela étant, on ne se souvient plus de la période de folie affective entre les Français et l'impôt. Hein, cette période où il y avait la file de 2-3 jours en terme aux caisses pour payer les impôts, où ils appelaient pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas payer un peu plus. Mais indéniablement, par rapport à cette période-là, qu'ils n'ont pas connue, on peut dire qu'il y a une forme de rupture entre les Français et l'impôt. Bien vu, Manu. Bien vu, Manu. Restons à droite. Oui, oui, oui. J'avais écrit passons à droite, mais c'est amusant. Gauchiste. Avec l'interview de Laurent Wauquiez dans Closer. Et il déclare, je cite, « Ce qui manque en politique, c'est le concret. On brasse du vent, mais on ne change rien. » Ah, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de recul sur lui-même. Et il dit ce qu'il aime dans la vie. Il dit « Jouer au Barbie avec sa fille, les couchers de soleil. » Et Dalida. Et oui, j'imagine que sa chanson préférée, c'est « J'attendrai », chose qu'il pratique depuis un bon bout de temps maintenant. Et puis surtout, il revient sur sa relation tendue oui. avec la numéro 2 oui. du Parti Les Républicains. Nathalie Kosciusko-Morizet, que nous avons la chance d'avoir en ligne. Elle vient régulièrement nous voir. Bonjour Nathalie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir France Inter, radio de gauche à qui je tends la main. Bonjour Nathalie. On souhaitait vous entendre un petit peu sur Laurent Wauquiez. Pardon, je ne connais pas tous les élus locaux. Hein. Ah oui, mais c'est quand même c'est le numéro 3 hein, du parti. Ah, ah oui, c'est ça. Alors moi, je suis numéro 2, donc je ne oui. connais que les gens au-dessus. Hein, et oui. c'est déjà pas facile de s'entendre avec le au-dessus, oui. là, oui, oui, oui, oui. Donc vous n'avez rien à dire sur lui, non? En tout cas, si vous le voyez, ce petit con, disciple du parti, voilà, oui, voilà. sinon, bonjour. Merci, bah, écoutez, on en reparlera une prochaine fois. Société, à présent. Faute de place, oui. 6500 handicapés français ont quitté la France pour la Belgique. C'est vrai, oui, ce sont des handicapés moteurs. Attention, on rappelle que la France, vous avez déjà envoyé des handicapés fiscaux et qu'on s'en était plutôt bien occupé. Passons à une étude américaine oui. dont nous par le Huffington Post. Oui, ils ont conclu que les hommes aiment l'idée d'une partenaire intelligente, mais n'en veulent pas pour autant. Ce qui explique, Isabelle, pourquoi ça va être très difficile entre nous. Et on termine par du sport. Oui, Mexique. Attention, j'ai bien aimé celle-là. Un supporter des Tigres prénomme son fils André Gignac. Ah, un hommage à André-Pierre Gignac. Oui, le petit André Gignac Cuisatan Palomo est né. Son prénom, il le doit à la star locale du football, le français André-Pierre Gignac. Et reste en suspens cette grande question, mais pourquoi avoir enlevé le Pierre ? Personne ne le sait. J'ai comme prénom. André Gignac. Oui, André Gignac. Allez, on fait disparaître l'actualité jusqu'à 18h oh. avec Éric Antoine, que vous pouvez voir en tournée. Et d'abord au Marathon de l'Humour, ça vous appelez ça le Marathon de l'Humour, nous, oui. le Festival d'Humour de Paris. Oui. Jusqu'au 3 novembre. Et puis vous êtes en tournée avec Magic Delirium. Et on va aborder avec vous le premier sujet d'actualité. Mm-hmm. On ne sait pas ce que vous allez en faire, on a un petit peu peur, vous connaissant. Pourquoi c'est sujet. À moi de travailler, c'est-à-dire ah, que je suis invité et c'est à moi de travailler. Donc, ouais. non, mais ça alors, travaille, magicien. Non, non, parce que non, mais on m'aurait dit j'aurais préparé parce que moi, vous savez, je suis un grand travailleur. J'ai besoin de, pas, là, de me prendre le temps, d'organiser vous ma pensée, voir. De vous structurer, si tu veux, ma langue et mon cerveau qui ne vont pas toujours ensemble. On va structurer pour vous ce premier sujet, car oui. sachez que nos élus ferment le robinet pendant qu'ils se brossent les dents. Oui, le Parisien aujourd'hui en France a demandé à plusieurs politiques leurs petits gestes au quotidien pour préserver l'environnement. Alors, pour vous résumer la situation, si on les réunit tous sur le sujet, ça donne ceci. Ouais, puis en tout ce blanc de la neige, ça fait nickel, hein, c'est net. Ça fait propre, ça fait propre. Ouais, ouais, ouais. Et quand on pense à ce que c'est devenu la Méditerranée. Alors là, la mer maintenant, c'est dégueulasse. Ouais. C'est un vrai dépotoir, tu peux pas poser tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve. Bah, ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais? L'été, tu vas pas ici, tu vas à la mer. Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse. Bah ouais, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. C'est les bronzés font du ski. Alors c'est un article dans Le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez par exemple donc Ramayat dit qu'elle installe un poulailler dans son jardin. Moi j'ai une petite mention pour Pierre Laurent, le patron du PCF, qui lui dit il prétend économiser le papier. Je distribue beaucoup de tracts, mais je n'en jette pas par terre. Alors, je vois pas où est le geste pour l'écologie, mais enfin bon. Je divise les feuilles de papier toilette en plusieurs petits morceaux pour que la consommation soit moindre. Ah, voilà, c'est votre geste. Est-ce que vous avez d'autres gestes comme ça que vous posez? Parce que maintenant, on est quand même beaucoup plus sensible à l'environnement. On sait qu'il y a des gestes qu'on pose tous les jours et qui peuvent réduire votre empreinte écologique. Est-ce que vraiment, dans la vie, vous pensez à certains réflexes? Non, mais déjà, je trie. Je suis un actif du tri depuis longtemps. Ça fait quelques années que je fais ça aussi bien. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, moi, je suis un Provençal qui vient travailler à Paris. Donc, j'ai deux adresses. Et en fait, les règles du tri se diffèrent d'un lieu à l'autre. Et je trouve ça toujours je trouve que c'est un problème, pour moi, mental, de concentration très compliqué. et après, c'est vrai que j'économise l'eau aussi. Voilà, on va faire un petit tour de table. Alex Vizorek, qu'est-ce que vous faites pour la nature? Une vasectomie. C'est une main tendue. Moi, je mange des enfants comme ça. Thomas VDB. Moi, je suis un grand pollueur. J'adore polluer. Je bazarde tout ce que je peux. J'achète des trucs volontairement pour les bazarder à la poubelle. Et je m'éclate, quoi. Mais vous, par contre, est-ce que t'es rock? Charline Van Hunaker, qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, ben moi, j'ai des réflexes quotidiens depuis que j'ai 12 ou 14 ans. Faut dire à l'auditeur, on se fait engueuler quand on jette le papier dans la mauvaise poubelle. Je suis comme Ségolène Royal, moi, je suis une ayatollah. Je ne me lave plus aussi. Je ne me lave plus, enfin des choses comme ça. Alors, c'est mon point commun avec Ségolène Royal qui se montre intraitable avec ses conseillers au ministère de l'écologie. Il y a des restrictions d'éclairage, il y en a même un qui dit elle est tyrannique là-dessus, on va finir à la chandelle. Alors, estimez-vous heureux. Voilà. Bim. Isabelle Sorrente, peut-être, vous faites quelque chose pour le. Je note mes rêves, moi. Oui, la planète vous remercie. Je vois que tout le monde est. J'appelle ma mère tous les dimanches aussi. Quand un coup de fil à ma mère. Dans quelle émission? Ça se fait pas de pas appeler sa mère. Ouais, mais moquez-vous. Maurice, vous êtes avec moi quand même. Moi, je suis avec vous. Vous êtes colo comme moi. Mais moi, je suis végétarien. 51% des gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Merci. Bim. Voilà, je suis un peu rassurée parce que c'est pas possible. Non, mais là, il y a encore du chemin. La COP21, c'est dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter chronique de Thomas VDB, ça va aller. Allez. Allez. Ça va bien. Aïe. L'actualisique, c'est chic. C'est synthétique, c'est électronique. C'est un mélange d'actualité et de musique automatique. Ouais. C'est le vendredi. Donc si tu écoutes Janu tout. Merci à tous. Bravo. Et bien, bravo. Évidemment, mais bravo, déjà, bravo pour ça. Et bien bravo, sûr. Mais bien sûr. Bravo. Tout d'abord, merci à tous. Et puis, je voudrais bien évidemment saluer la présence de mon collègue et néanmoins ami Eric Antoine dans le studio. Même si Eric, évidemment, bon, c'est pas contre toi, mais inviter un magicien à la radio, je trouve ça un peu facile. Moi aussi, je peux faire un tour de magie à la radio. D'ailleurs, allez-y, prenez une carte. Hop, mettez-la dans le chapeau. Regardez si on sort. Hop, c'est un lapin. Ah, bah, ouais, mais je dis pas mes tours. Je ne dis pas mes tours. Un vrai magicien ne dit jamais ses tours. Mais je crois qu'à l'instant, je viens d'annoncer, avec mon générique, l'un des plus grands retours de l'année, si ce n'est le plus grand retour vers le futur de l'année, c'est Jean-Michel Jarre. C'est le retour de notre Jean-Michmuche, qui est d'ailleurs le seul Jean-Michel français au rayonnement international. On s'en rend compte quand dans ses concerts, on voit des dizaines de milliers de gens crier « Jean-Michel ! Jean-Michel !» Voilà, c'est assez inhabituel. Alors Jean-Michel Jarre, rappelons-le, c'est le fils du grand compositeur français Maurice Jarre, à ne pas confondre avec son quasi-homonyme, le chorégraphe français Maurice Béjart. Mais pour les différencier, il suffit de se rappeler que Maurice Béjart n'a pas d'enfant qui s'appelle Jean-Michel Béjart. Alors, si je puis ajouter une information inutile, son fils est magicien, David Jarre. Ah oui, c'est incroyable, c'est tout à fait inutile, mais j'avais envie de le dire. Eh bien, on l'embrasse. Alors, il faut savoir que Jean-Michel Jarre, il a totalement changé la musique des années 80. D'ailleurs, si peut-être chez vous, vous avez un synthétiseur bon tant pis qui ne marche plus dans un placard depuis des années, dites-vous bien que c'est uniquement à cause de Jean-Michel Jarre et de personne d'autre. C'est le père de la musique électronique française, c'est le parrain de la French Touch, ce qui veut dire que si c'est grâce à lui qu'on a Daft Punk, c'est aussi à cause de lui qu'on a David Guetta. Mais n'oublions pas surtout que Jean-Michel Jarre, c'est le premier à avoir eu des synthétiseurs avec des touches qui s'allument, comme les jouets Simon Pocket. Oui, quand il jouait, les touches, elles s'allumaient. D'ailleurs, quand on voit les femmes magnifiques qui ont partagé sa vie, que ce soit Isabella Gianni, Charlotte Rampling, Anne Parillo, c'est évident que pour les séduire, il les amenait dans son studio. Il éteignait la lumière et il commençait à jouer du synthé. Là, les touches s'allumaient, il n'avait plus qu'à emballer les meufs. Les meufs disaient, mais il est génial ce mec. Ouais, j'ai les touches qui s'allument. Alors, il ne faut pas oublier, évidemment, que dans les années 70-80, Jean-Michel Jarre, il incarnait avant tout la musique du futur. Ben voilà. Moi, faut savoir que quand j'écoutais sa musique en 1985 et que je fermais les yeux, j'étais persuadé qu'en 2015, on habiterait tous dans des aéronefs spatiaux. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Hein, d'ailleurs, le morceau qu'on est en train d'écouter, Oxygène numéro 2, c'est clairement le genre de morceau qui servait à illustrer les premiers documentaires sur le nucléaire dans les années 80. La fission de l'atome va permettre de produire de la chaleur. On dit alors que les réacteurs produisent de l'électricité. Ah oui, à la rigueur, un épisode de Il était une fois la vie. Ça fait un peu penser à ça. Alors évidemment, jouer du synthétiseur, ça a aussi ses inconvénients. Hein, si tu veux chanter Jean-Michel Jarre dans un karaoké, t'as l'air un peu con. Voilà. Il y en a qui chantent Daft Punk. Il y en a qui chantent Daft Punk. C'était assez froid. Ça me faisait un peu. Je trouve ça pas si con pourtant. Mais c'est vrai que c'est galère. C'est galère avec un synthétiseur. Des teasers, si par exemple tu veux faire un unplugged, c'est compliqué, hein, puis en plus ça lui coûte quand même très très cher en pile. Hein, aujourd'hui, mais aujourd'hui, Jean-Michel Jarre, donc il sort un nouveau disque événementiel avec plein d'invités, Moby, il y a les gens de Massive Attack, il y a le guitariste des Who, et les fans sont unanimes sur la qualité de ce retour, même si force est de constater qu'à écouter le disque, pour Jean-Michel Jarre, le futur aujourd'hui ressemble toujours à un épisode de Capitaine Flamme. Hein, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, j'avais l'impression d'avoir Nono, le petit robot, à côté de moi tout le temps. D'ailleurs, cette semaine, on fêtait en grande pompe la date de l'arrivée du héros de Retour vers le futur dans le futur, je pense tout le monde a entendu parler. Je pense que si Marty McFly arrive aujourd'hui et qu'il écoute le nouveau disque de Jean-Michel Jarre, il va se rendre compte que la vision du futur de 1985 est exactement la même que la vision du futur de 2015. Et là, il va se dire qu'avec sa DeLorean, j'ai pas voyagé dans le temps, j'étais juste en warning pendant 30 ans, tout simplement. Hein, bien, en tout cas, le deuxième volume du nouvel album de Jean-Michel Jarre paraîtra dans quelques mois. Et bien, je me réjouis d'avance de voir en quoi sa vision du futur aura changé mi-février. Merci à tous. Thomas VDB sur France Inter. Talent. Quel talent. Eh oui. L'autre talent, il est incroyable, c'est Éric Antoine. Il est avec nous jusqu'à 18h. Au revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Au revoir Paris. Et me retrouver chez moi. Seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard prendre un taxi qui va le long de la Seine et me revoici au fond du bois de Vincennes roulant joyeux vers ma maison banlieue où ma mère m'attend. Les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens. Ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français. Benjamin Biolay. Réveillez-vous là-dedans. Au revoir, voilà. Benjamin Biolay. Voilà. Vous êtes sur France Inter. Moi, j'ai jamais eu une voix comme ça. Moi, c'est beau, vous voyez pas travailler sur. Moi, j'ai une voix comme ça. Je suis désolée. Vous êtes sur France Inter. Il y a Éric Antoine qui est avec nous. Oui. Qui est en tournée avec son spectacle Magique Delirium. Quelle bonne promotion. Le 14 novembre à Troyes, le 15 novembre à Metz, le 20 novembre à Lorient, et puis le DVD du spectacle sera disponible à partir du 10 novembre. Autour de cette table, il y a aussi Isabelle Sorand, Thomas VDB, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Et Guillaume Meurice, est-ce que mais ce ne oui. serait pas le moment du moment Meurice? Il me semble que oui. Hein, alors, je ne sais pas si vous connaissez Éric Antoine, le moment Meurice, c'est un moment d'enquête, d'investigation. Mm-hmm, c'est un moment d'une grande intensité. De évidemment. Oui, une forme de magie journalistique. Évidemment, voilà. Évidemment. Et on parlait de l'avenir de la planète tout à l'heure, et bien j'ai enquêté et je suis en mesure de vous l'annoncer, c'est bon. L'humanité est sauvée, j'en suis absolument certain. Plus besoin de faire une COP 21. J'ai appelé les pandas, je leur ai dit c'est bon, vous êtes sauvés aussi les mecs. Plus besoin de faire le tapin pour le WWF. J'ai appelé Cécile Duflot, je lui ai dit bon bah c'est dommage, tu vas plus servir à rien. Elle m'a répondu bon bah ça j'ai un peu l'habitude. Pourquoi on est sauvés? Parce que je me suis rendu ce matin à l'ouverture de la foire d'automne Porte de Versailles et je peux vous l'assurer, tout est bio, tout est naturel. Chaque entreprise rivalise d'imagination pour se montrer plus écolo que les autres. J'étais vraiment ému par tant de prise de conscience. J'ai interrogé, par exemple, un marchand de canapés archi-écolo. C'était marqué sur l'enseigne en grand, hein, n'est-ce pas ? Nous, on fait très attention à nos provenances, comme notre cuir et nos mousses sont de plus en plus... je cherche mes mots. Voilà, bah laissons-le chercher ses mots. Bah, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'émotions, on est sauvés. Hein, donc je vous le rappelle, c'est normal d'être ému. Allons voir un autre vendeur de canapés. Tiens, lui aussi, écolo à fond, le gars. Déjà, on a l'écotaxe sur l'ensemble des canapés hein, qu'il n'y avait pas avant jusqu'à présent. Donc, mais ça, c'est combien de pourcents? Ça se chiffre en pourcentage, c'est juste c'est de l'ordre de 3 à 8 euros par modèle. Quoi. Mais, pour un canapé qui coûte combien? Pour un canapé qui coûte aux alentours des 3000 euros. Et ben voilà, on est sauvés, je vous le dis. 8 euros sur 3000 vont à la protection de l'environnement. Là, on est à la limite du terrorisme vert, hein, à côté de ce mec-là. Nicolas Hulot, c'est un chasseur de buffles, quoi. Bon, tiens, puisqu'on parle de protection, parlons des détachants. Il y en avait un avec une bâche qui indiquait des produits conçus dans une démarche de respect de l'environnement. C'est la saponette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Saponette, bois de Panama, terre de sommière et feuilles de lierre. Ah, il y a du bois de Panama, quand même. Oui, mais bon, très peu. Il faut couper les arbres. Voilà, oui, mais bon. Hein, il faut les emmener du Panama jusqu'ici. Bon. Ouais. Hein, bon, il y a bien des choses. Ils ont fait les savons avec le fiel de bœuf, que là, on m'a dit que ça allait être interdit, or que la saponine, bon, c'est de la terre de sommière. Voilà, il n'y a pas de fiel de bœuf dedans, ça c'est important. De la terre et du bois, c'est naturel, le bois. Bon, il faut aller le chercher au Panama, mais on imagine qu'ils n'y vont pas exprès, les gars. Ils ont des amis qui partent en vacances au Panama, puis ils leur disent « Tiens, vous pouvez nous ramener 3 tonnes de bois pour nos savons en même temps ?» Enfin voilà, ils le font gentiment, dans un souci d'écologie. Et dans un souci d'écologie, on peut aussi s'acheter un spa, par exemple, pour se détendre. On est sauvé, on a bien le droit de se détendre. Sur la brochure, c'était marqué « éco-responsable ». Alors, monsieur le vendeur, les spas écolo, comment ça se passe? Alors, c'est écolo, bon, pas... C'est écolo. On a des pompes qui consomment de moins en moins d'électricité, effectivement, donc il y a toujours, bien sûr, ce souci. Ouais, c'est pas hyper écolo. C'est pas hyper écolo, mais par contre, ça fait beaucoup de bien. Est-ce que le plus écolo, ça serait pas de ne pas acheter de spa, finalement? Alors ça, c'est effectivement, mais bon, ça nous arrangerait pas, quand même. Oui, alors évidemment. Alors là, c'est peut-être de ma faute, parce qu'effectivement, éco-responsable, ça voulait peut-être dire économiquement responsable, et pas écologiquement. Ah. Alors, mea culpa, hein, j'ai déconné. Mais je me suis pas laissé abattre, hein, comme un vulgaire arbre du Panama. J'ai continué vers un autre monsieur qui vendait des coussins, avec toujours un souci de l'écologie. Hein. Il avait affiché sur un grand panneau, c'est normal, il fait des coussins avec uniquement des produits naturels, comme quoi, par exemple? C'est la viscose élastique à mémoire de forme, c'est... C'est de la viscose, mais c'est quoi alors ça? Voilà, c'est un produit naturel. C'est une mousse naturelle. Ça se trouve où? Voilà. Bah, ça, c'est fabriqué dans les usines, hein. C'est tous des huiles. Bah, c'est fabriqué ou c'est naturel? Ah, c'est naturel, ouais. Ah, bah oui, mais il faut bien le fabriquer. Bah oui, vous êtes marrant, il faut bien une fabrique de produits naturels. Vous croyez que l'araignée qui fait sa toile, elle fait comment? Bah, elle va à la fabrique de fil, puis elle achète de la toile. Et puis voilà, c'est comme tout le monde. Hein. Tous les animaux se fournissent en produits naturels, c'est connu. D'ailleurs, on ne dénoncera jamais assez le scandale des visons qui, sous prétexte d'avoir chaud l'hiver, vont tuer des vieilles pour leur piquer leur manteau. C'est scandaleux. Hein. Ou des pandas, pour revenir à eux, qui pillent les usines de bambou. Alors que nous, on en a besoin du bambou. N'est-ce pas, madame la vendeuse de matelas écolo? Oui, tout à fait. On enrichit au charbon actif de bambou. Comment ça se passe techniquement? On brûle le bambou, en fait, et on l'insère dans la matière. Ah, est-ce que c'est très écolo, ça? Très écolo, bien évidemment. C'est écolo de brûler du bambou ? Ça, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Mais nos matelas sont très confortables. C'est dommage, c'était ma question. Tout est vert dans votre stand. Tout est vert et tout est zen, monsieur. Non, c'est très écolo, c'est du bambou, monsieur. Oui, d'accord, mais si on le brûle ? Ben on le brûle et on l'insère dans la matière, c'est pour bien dormir, monsieur. C'est ça le principal. Mais oui, évidemment, c'est ça le principal. Et pour nous endormir, on sent qu'ils sont quand même assez balèzes. Guillaume Meurice, merci. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Éric Antoine. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous. Mm-hmm. La FIAC s'est ouverte hier à Paris. C'est la Foire internationale d'art contemporain. C'est une gigantesque expo, mais c'est aussi un petit peu le supermarché de François Pinault et Bernard Arnault. Évidemment. Et voici ce qu'ils achètent. Des passionnés. Est-ce que vous pouvez me dire combien est vendue cette œuvre d'art qu'on voit là-bas, rouge, dans le coin ? Pour ça, l'œuvre là-bas, ouais. c'est pas une œuvre. C'est quoi ? C'est un fire extinguisher. Ah, c'est un extincteur ? Oui. Ah mince, j'ai confondu avec une œuvre d'art. Et ça alors, c'est quoi ? Oui, ça c'est une œuvre. Ah, c'est pas un carré de mousse avec deux parpaings ? Non, c'est une œuvre, c'est une œuvre. Eh oui, Guillaume Meurice était allé à la FIAC l'année dernière. C'est un grand souvenir. Alors, quel est votre rapport à l'art contemporain, vous, Éric Antoine ? Est-ce que vous êtes un peu friand ? Oui, je suis assez friand. Je trouve qu'il y a des artistes qui m'interpellent, qui sont très forts. Souvent, ceux qui sont dans des pays qui sont en difficulté politique, souvent. Je trouve qu'ils font œuvre de révolution de pensée. Ceux qui suscitent le débat, vous voulez dire ? Oui, ceux qui suscitent le débat. Et puis après, moi, je suis... un esthète, j'aime les choses jolies, j'aime les choses... Oui, il y a plein d'artistes qui m'interpellent. La FIAC, j'ai pas été encore cette année, mais j'irai sans doute. Mm-hmm. Voilà, mais après, je trouve que c'est aussi une arnaque monstrueuse. Je me souviens de mon adolescence au Palais de Tokyo, j'avais 13-14 ans, et moi, je fabriquais des agendas avec des morceaux de papier, je récupérais tout ça, et je l'avais mis sur un piédestal au milieu du Palais de Tokyo, et je me souviens de tous les gars, les visiteurs qui prenaient en photo ce truc, et je m'étais fait arrêter par la sécurité qui m'avait sorti Manu Militari parce que j'avais créé une espèce de fausse œuvre comme oui, ça. Mais c'est un happening d'art contemporain. Mais, ça a été tellement refait. Et est-ce que ça a été vandalisé après ou pas? J'aurais aimé. Mais là, je verrais bien un vibromasseur géant devant le palais de l'Elysée ou un truc comme ça. Là, oui, c'est tendance en ce moment. Dans cette maison, il y a un parcours sonore en partenariat avec la FIAC. Il y a des œuvres qui traînent un peu partout. Ah, oui. Ne trébuchez pas dessus parce que parfois on s'en rend bien. C'est beau ça, une œuvre sonore physique. Qui est une réalité, ça me plaît. Et puis l'année dernière, donc, le patron de LVMH, Bernard Arnault, a fait ses courses pour sa fondation, Louis Vuitton. Ah. Oui. Mm-hmm. Et au même moment, son grand rival François Pinault a acheté 37 œuvres d'art en l'espace d'une matinée. Et ils ont du bol parce que, coup de chance, les œuvres d'art n'entrent pas dans le calcul de l'ISF et ça, c'est un sacré coup de bol. Alex Vizorek, c'est vous le spécialiste de l'art contemporain ? Mais oui, moi j'en parle dans mon spectacle. En 61, il y a quand même Manzoni qui a chié dans une boîte. Il a appelé ça merde d'artiste et aujourd'hui, ça vaut 1,2 million cette boîte-là. Et donc, c'est génial. Enfin, ça vaut 1,2 million pour tout qui voudrait l'acheter, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il vous dit je vous vends de la merde et allez-y. Et ça n'ennuie personne si d'autres gens l'achètent. Donc en fait, c'est un marché en soi et c'est rigolo. Et tout ça, à Alex Vizorek l'explique au studio des Champs-Élysées le dimanche soir, le lundi soir. Si vous voulez regarder de la merde, il y a TF1 aussi. C'est beaucoup moins cher. Tandis qu'Éric Antoine, lui, est au Festival d'humour de Paris jusqu'au 3 novembre. Isabelle Sorrente. Oui. Vous aussi, c'est contemporain, c'est littéraire. Alors, oui, alors donc, moi, je vais vous parler de macarons, en fait, pour commencer. De macarons. Oui, de macarons. Mais je trouve que vous êtes une œuvre d'art contemporain. Vraiment, vous êtes un concept, en fait. Oh, merci, avec Antoine. Je vais rougir et je vais encore perdre du temps et je vais me faire engueuler par la Oui, c'est terrible ce qui se passe en coulisses ici. Qu'est-ce que j'ai envie de vous interrompre, c'est dingue. Ouais. Alors, attention, là, on va être sérieux parce que vous avez peut-être remarqué ces chocolateries ou ces pâtisseries en général, donc spécialement. Spécialisés en macarons, qui prolifèrent en ce moment dans le centre de Paris. Donc la veille, il y avait une librairie ou une bijouterie, et le lendemain apparaît comme par magie, justement, une devanture pleine de macarons de toutes les couleurs. Et surtout, l'enseigne mentionne « depuis 1890 ». Or vous, qui passez là tous les jours, vous savez très bien que ce n'est pas depuis 100 ans, mais depuis hier que cette boutique existe. Et vous voudriez le crier aux passants, mais ils ne vous écoutent pas. Les touristes, eux, ne le savent pas. savent pas. Et attirés par l'odeur du chocolat, ils se ruent à l'intérieur comme si ces macarons étaient fabriqués à partir d'une recette ancestrale. Alors, de quoi s'agit-il ? Évidemment, de racheter une marque. Hein. Cela permet, vous diront les spécialistes du marketing, d'offrir à vos clients un gage de confiance et de qualité. Vous rachetez une enseigne qui a fermé quelque part dans un village perdu et vous ouvrez une boutique à Paris. Tout d'un coup apparaît une chose dont personne n'ose se souvenir qu'il ne s'en souvient pas. Et voilà ce qu'on appelle l'authenticité. Alors, ce phénomène de surgissement en temps réel du passé, qui n'est pas de la magie hélas, se produit dans les rues piétonnes du cœur musée de la ville, puisque la gentrification, comme on dit, du centre-ville, c'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a le cœur musée, donc ce sont les arrondissements centraux avec les musées, donc transformés en centres commerciaux, entourés par les quartiers résidentiels avec leurs boutiques, eux-mêmes entourés par les quartiers de bureaux avec leurs galeries marchandes, eux-mêmes entourés par les banlieues résidentielles avec leurs centres commerciaux. Les centres-villes ressemblent de plus en plus donc à d'immenses galeries marchandes avec quelques appartements témoins. Mais témoins de quoi ? On se le demande. Difficile à dire dans un monde où on mange des macarons dans des boutiques ouvertes la veille depuis 1890. Un monde où il règne une température ambiante de 20 degrés. Un monde sans extrême. Alors, un monde sans extrême ouvre-t-il la porte à l'extrémisme par manque d'intensité ? On peut se le demander. Question philosophique. Question philosophique du jour. Alors, j'ai un embryon de réponse. Vous savez que Miller disait que le sexe et la littérature étaient les derniers territoires sauvages qui restent dans les grandes villes pour les pauvres fauves enfermés que nous sommes. Mais on pourrait y ajouter le voyage. Malheureusement, tout le monde ne peut pas prendre un cargo pour faire le tour du monde. Alors il reste la littérature et ça m'amène au livre que j'ai lu et adoré. Donc je vais vous en parler. Très belle intro. voilà, je prends mon temps. Mais pourquoi speeder hein ? Donc, mais oui, je conseille un très beau livre écrit par... Non mais arrêtez, vous faites ça encore du temps. Écrit par... c'est la meilleure, ça. Alors, qui vous a écrit ce livre ? Alors, on va donner référence, achetez-le. Achetez-le, il est bien. La couverture non, est jolie. C'est génial. Courir après c'est les ombres. Courir après les ombres de Sigolène Vincent. Courir après les ombres, donc, ça raconte l'histoire d'un homme, Paul, qui travaille pour une multinationale chinoise et qui négocie dans toute l'Afrique des contrats d'achat de matières premières. Donc, c'est un mec très mélancolique parce qu'il vit très loin de chez lui. Il est partagé entre deux amours manqués, entre une très belle Somalienne qui s'appelle Mariam et Louise, une Française qui est aussi mélancolique que lui. Ça marche avec aucune des deux. Et l'ambiance qui est très violente, très intense, rappelle un peu La Nuit de l'Iguane, ce chef-d'œuvre. Que voilà, moi j'adore ce film. Ce film de John Huston où Richard Burton incarne un pasteur dépressif. Attendez, tout ça. Attendez. Et apparemment, il est drôle dans le film. Tout donc, c'est clair. Au fur et à mesure, normalement, c'est connecté, tout est connecté. Au bout de 4 heures, on retombe sur nos pattes. Non, c'est en fait, donc. Ne lâchez pas. Non, je vais rester ultra sérieuse. Que j'ai eu, mais c'est vraiment et vous l'avez noté, j'espère. Mais oui. Bon, Paul, le héros de Sigolène Vincent. Soyons sérieux, c'est une chronique littéraire. En plus d'être voilà, ça résume tout. En plus d'être pris entre deux femmes, il est prisonnier d'un monde, le nôtre, où la matière s'épuise. Parce que non, contrairement à ce que disait Guillaume, nous ne sommes pas sauvés, malheureusement. Ah bon ? Ah. Et en tout cas, quand on lit ce livre, on est très pessimiste. Donc, est-ce que la poésie est une matière première ? Moi, je pense que oui. Non, mais réouvrez une belle question. Parce que oui. C'est chic pour ouvrir des questions vastes comme le monde, alors qu'il nous reste 38 secondes. C'est magique. Bon, enfin, bref. Mais quel rapport avec les macarons, enfin ? Eh bien, justement, il y a de la... La poésie est une matière première, je crois. Il y a de la... Ah, le sujet 3 va prendre un coup. Je l'annonce au fait du sujet 3, on ne va pas le voir. Je vous mettrai la chronique sur Internet, hein, la fin, si vous n'arrivez pas en bouche. La conclusion. Je crois... Non, ce que je voulais dire, c'est que dans nos os, vous savez, on a de la poussière d'étoiles. On a une belle écoute, là. On a une belle écoute. Dans les os, non, c'est réel. Des particules d'étoiles. Et donc, je pense que, vu que toute la mémoire contenue dans nos squelettes, quand on voit une enseigne où il y a marqué « depuis 1890, on peut se permettre de rire à bon coup. Ben voilà. Si, avec ça, il ne fait pas un carton avec son bouquin. Voilà. Donc on rappelle les références du livre quand même, c'est pour ça qu'on est venu. C'est Courir après les ombres, c'est un livre magnifique de Sigolène Vincent, qui se passe à Djibouti, en Afrique, et qui est un très beau livre, très poétique. Voilà, et nous exposons Isabelle Sorrent à la FIAC, dimanche après-midi, et elle sera en vente. Le monde entier nous l'envie, Isabelle Sorrent, merci. Allez, troisième sujet, en compagnie d'Éric Antoine. 30 000 personnes déguisées en super-héros sont attendues à Paris pour un grand rassemblement qui s'appelle le Comic Con. De bande dessinée et Con de convention, convention. Fabriquer son déguisement et le porter, c'est un hobby qui porte un nom. Mm-hmm. Ça s'appelle le cosplay. Allez, 30 000 personnes ce week-end à Paris qui partagent une passion pour les héros fantastiques et qui vivent cette passion jusqu'au bout, parce qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs costumes et puis ils portent jamais deux fois le même, c'est-à-dire que porter le même à Paris et à la convention de Chicago, c'est pas possible. Voilà. Alors je me disais, Eric Antoine, est-ce que ça vous intrigue ou ça vous inquiète? Vous pourriez en être, vous? Ah mais j'en suis, moi. Ah ouais. Ah mais j'en suis. Quel super-héros vous êtes? Un mélange de genres, mais j'aime bien Hulk parce qu'il y a la dualité du personnage, mais il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont dans une espèce de rapport schizophrénique à leur héroïsme et à leur vulnérabilité. J'adore ça. L'intelligence du comics à la lecture ou l'idée de se déguiser le dimanche après-midi? Les deux me vont parce que l'un, c'est un bonheur de geek pur et l'autre, c'est une fête. Et la vie se doit d'être une fête par moment et je pense que c'est un joli moment. Mais alors c'est rigolo parce que se déguiser en super-héros, moi je pense que c'était un truc de gosse. Et en fait, il y a 30 000 personnes qui vont venir du monde entier, qui ont payé un billet d'avion, qui vont se loger à Paris, qui vont se faire jeter à la gueule une blanquette de veau dans une brasserie. Mais déguisé en Superman. Mais non, c'est normal ou on vit dans... Est-ce que tout se passe normal? Est-ce que la Terre tourne La dernière fois qu'il y avait un comic... Enfin, c'était les mangas... comment ça s'appelle? Port de Berne. Paris Manga, ouais. Le Paris Manga. Et moi, je jouais au Palais des Sports. Et je sortais du Palais des Sports. Et je me retrouvais entouré comme ça de Pikachu, de Dragon Ball, de Sangoku. Mais je vis mon rêve. Je trouve ça génial, ce décalage. Ces gens-là le vivent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps habillés comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune sexualité. Ça, c'est un autre problème. Ici, c'est plutôt, ils fabriquent leurs costumes et puis ils incarnent leur héros pendant un week-end et puis c'est tout, ils reviennent à la vie normale. Après, t'as des cosplays fantastiques. Moi, j'ai fait un cosplay des Misérables, je trouve ça fantastique. Au niveau budget, tout est possible. C'est ça qui est décroché. Donc, c'est de fabriquer son costume soi-même et de le porter. On est un pays de carnaval, Charline. Vous pouvez pas dire qu'en Belgique, il y a des carnavals régulièrement. On peut pas dire que se déguiser, c'est un truc qui nous échappe. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais depuis mes 10 ans, c'est la dernière fois que j'étais déguisée en courgette. Hier, j'étais avec Annie Cordy. Je vous assure qu'Annie Cordy, qui est quand même votre vraie reine. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà. Donc tout est normal. Allez, il est déguisé en Frédéric Fromet. Est entré dans ce studio. Regardez, il a une bandoulière Hulk. Hulk, c'est moi. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous allez chanter à Éric Antoine et à tous nos auditeurs qui nous attendent? Dans le nouvel Astérix, le personnage bonus promo plus est inspiré de Jacques Séguéla, Henri Guénaud et Patrick Buisson. Ce qui me fait dire que la politique, c'est chiant, sauf peut-être à la regarder avec des yeux d'enfant. La politique, c'est rigolo, c'est pareil qu'un dessin animé. Y a des méchants, des super-héros. Les super-héros, c'est pas des vrais. Christian Estrosi, il était pas tant. Pas besoin de trucage pour jouer en temps plan. Cécile Duflo, ouvre la bouche et paf, c'est pire que la mouette de Gaston Lagaffe. Pauvre Jean-François Copé qui boude, lui qui se voulait is no good. Christine Boutin, on lui colle une soutane, une cornette et c'est Batman. Voyez Pierre Gattaz et Emmanuel Macron dans leur joli costume de Dupont et Dupont. Quelle est la formule de la potion magique pour donner un programme de gauche à Social X? Planquez-vous, voici Jean-Luc Mélenchon, aussi sympathique qu'un dragon. C'est facile, j'ai mené mon enquête. On a vu Bismuth dans l'Erasmoquette. Combien de coups tordus, combien de noms d'oiseaux. Il ne manquerait plus qu'il y ait des Pinocchio. Les Républicains, c'est pas une bonne idée. Il aurait mieux valu choisir les pieds nickelés. NKM dans la rue, quelle actrice. Voici Dora l'exploratrice. La Morano, c'est plus embêtant. C'est le derrière de rente en plan. François Fillon ne peut tromper personne. On a reconnu le croque-mort des Dalton. Alain Juppé va nous en dire une bonne. Il est lui aussi le croque-mort des Dalton. François Hollande, les bisous, c'est mignon. Mais tu fais de l'ombre à Winnie l'ourson. Quant au Le Pen ou Philippot, je faiblis. Le derrière de rente en plan est déjà pris. La politique, c'est rigolo. C'est pareil qu'un dessin animé. Y'a des méchants, des super-héros. Et c'est toujours nous qui nous faisons schtroumpfer. Bravo, brillant, brillant. Le magicien de la guitare. Frédéric Fromet. Quelle dextérité linguale. C'est joli ce que vous étiez de dire. C'est un linguiste dans l'âme. Exactement. C'est un souvenir de jeunesse, une copine à vous, ça. Mais oui. On appelait dextérité linguale. Éric Antoine, Éric Antoine. Toujours finir la semaine sur une bonne balle. Je savais pas que j'allais aller dans ce terrain. Je viens de comprendre. Oui, c'est pas grave. Prenez des vacances. Éric Antoine, vous qui savez tout faire, y a juste la musique, vous faites ou pas, ça? Un petit peu, je joue ukulélé, harmonica, saxo. Enfin, je touche à deux, trois petits trucs, mais vraiment comme un amateur. Ah oui, mais j'aime bien ça. Ouais. Vous êtes un peu Rémi Bricat quand même, vous savez. Ah oui. J'ai un grand amour pour Rémi Bricat, sauf que c'est un grand artiste fantastique. Éric Antoine, que vous pouvez voir au Festival d'humour de Paris, qui se tient jusqu'au 3 novembre. Bon, il faut juste savoir quand même, parce que vous faites beaucoup de publicité pour le Festival d'humour de Paris, mais c'est au point virgule, il n'y a que 100 places. Ah, alors ouais, que dans les Zénith, il y en a 5000. C'est vrai, donc, voilà. Alors le 26 décembre, le 26 décembre au Zénith de Paris, le 20 novembre à Lorient, avant ça vous serez à Lille, à Metz et à Troyes, et puis en DVD avec le spectacle Magique Delirium, en tout cas en tournée. Merci beaucoup Éric Antoine. Merci de votre accueil à tous. Merci à tous, on va laisser le mot de la fin, merci, en référence à la FIAC, hein, place aux artistes contemporains français. Ils m'ont dévoré les artistes, renversé, j'ai plus de défense, mais ma ticket de métro joliment plié, ça m'émeut.